C'était une bête à histoire, on le tenait fermé dans l'armoire, avec à manger et à boire toute la journée. Là-dedans, il montait la garde, fallait surtout pas qu'on regarde, sinon il sentait la moutarde, lui monter au nez. Couchez vite un chien, couchez bas les pattes, couchez vite un chien. Je venais chercher des serviettes, j'ai ouvert la porte à la bête, nous fûmes nez à nez. Je redoutais des morsures, mais il m'a léché la figure, comme si j'étais de confiture, toute ma déjeuner. Couchez vilain chien, couchez bas les pattes, couchez vilain chien, car à ma savate, regarde pas comme ça, ta maîtresse aime pas ça, c'est bien son droit. C'est peut-être vrai que c'est bestiole, ça aboie plus souvent que ça miaule, mais faut pas renverser les rôles, car imaginez, si ces pauvres chiens mordaient leur maître, chaque fois que ceux-ci les envoie paître, vous ne sauriez plus vous mettre, quand vous ordonnez. Couchez vilain chien, couchez bas les pattes.